Développer un univers narratif sur plusieurs médias, comme la télévision, Internet, la radio, la littérature, offrir un regard complémentaire sur cette histoire. Permettre d'explorer chacun de ces éléments, indépendamment les uns des autres, avec des points d'entrée multiples dans l'histoire. C'est tout ça, le transmédia. Dans le podcast, nous partirons à la rencontre de créateurs et créatrices du Sud-Ouest. Je vous emmène à la découverte du jeu, de la lecture et même de la science. À chaque fois que le transmédia a fait une incursion, discrète ou pas, dans votre vie. Je suis Clémence Postis et vous écoutez un podcast du CATS, le cluster aquitain du transmédia storytelling, produit par le média local Revue Far West, avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole. J'adore jouer aux escape games. Me lancer dans une aventure avec un groupe d'amis, résoudre des énigmes, actionner des mécanismes. Une heure pour s'échapper. Une heure où on se vide complètement la tête. Et ma toute première escape, je l'ai jouée à Bordeaux, dans le quartier de la gare. L'escape room enfermé sur le port de la Lune à Escape Hunt. Cette franchise compte aujourd'hui 2 établissements dans la ville, ainsi que Virtual Room qui propose des aventures en réalité virtuelle et une application qui utilise la ville comme terrain de jeu. Pour cet épisode, j'ai voulu rencontrer Tarek Moutawakil, un des associés. Mais au fait, c'est quoi un escape game ? Alors la définition, c'est un loisir où l'objectif en fait est d'enfermer les gens pendant 60 minutes avec pour objectif pour les participants d'essayer de s'échapper de la salle. Après, il y a plein de moyens de s'échapper de la salle. Donc ça peut être en résolvant une enquête, en échappant à un serial killer. Voilà, il y a plein de déclinaisons, mais l'objectif à chaque fois, c'est de s'échapper d'un lieu clos. Et les escapes, ça vient d'où ? Alors l'origine, ça vient du Japon. Pour tout ce qui est bizarre, ils sont très forts. Donc eux, ils ont inventé ça en 2007, à la suite, en fait, tu sais, des jeux vidéo point and click. Il y a un mec qui s'est dit, putain, ça c'est génial, mais ça serait bien, en fait, de le faire en vrai. Et donc il a construit une salle avec, justement, les mêmes mécaniques de jeu. C'est-à-dire on déplace des objets, on ouvre des cadenas, on accède à d'autres pièces secrètes dans la pièce, etc. Donc ça a démarré au Japon, c'est arrivé en Europe il y a maintenant 7 ou 8 ans. À Paris, ça a commencé, en France, pardon, ça a commencé à Paris avec In Hunt. C'est la première marque qui s'est installée à Paris. Et nous, on l'a testé du coup, à la quasi-l'ouverture. Et c'est ça qui nous a donné après envie de venir s'installer à Bordeaux pour faire ça. Alors, tu as parlé de point and click. C'est des jeux vidéo où en fait le décor est statique et tu as certains objets ou certains éléments du décor qui peuvent avec la souris se déplacer et éventuellement se combiner avec d'autres objets pour créer soit un nouvel objet ou bien une action. Est-ce que dans une de tes escapes, tu as un exemple d'un mécanisme qu'on retrouve dans la vraie vie dans ton escape et qui vient en fait d'un point and click ? Alors qu'est-ce que je pourrais te retrouver ? Si par exemple dans Jack l'Éventreur, il y a un moment donné, il faut positionner des potions dans un certain ordre sur une base de cheminée et ça ouvre une porte. Ça typiquement, c'est le genre typique de choses que tu peux retrouver dans un point and click. Voilà. Et sans en dire trop, il y en a plein dans d'autres salles, mais du coup j'éviterai de spoiler pour ceux qui écoutent. Qu'est-ce qui, à vous, vous a donné envie d'ouvrir votre propre escape ? Une fois que vous êtes allé à Paris, pourquoi est-ce que vous vous êtes dit « Ah, j'ai envie de faire une escape ?» Alors déjà parce qu'on a testé et en tant que joueur, on n'avait même pas encore évalué le côté business, mais juste déjà en tant que joueur, en fait, on est retombé en enfance instantanément. On a trouvé ça super cool. Et pourtant, à l'époque, justement, on en parlait juste avant, il y avait très peu de mécanismes très, on va dire, ludiques ou avec des effets waouh incroyables. C'était simplement juste des cadenas, des petites portes cachées, mais on les voyait déjà. Mais rien que ça, en fait, ça avait un effet vraiment magique. Et le deuxième thème qu'on a testé, il était encore plus magique parce que c'était dans l'univers du Japon, c'était une Zen Room. Et là, on a voyagé pendant une heure, on ne s'est même pas rendu compte qu'on était dans un jeu. On était vraiment en immersion totale. Et donc, tout de suite après, on s'est dit, ouais, ça va être le loisir de demain. Et après seulement, on s'est penché sur le côté business pour voir qu'en fait, à Paris, il y avait 3 escape games déjà qui étaient complets de chez complets. Et on pensait que du coup, à Paris, il y aurait déjà trop de concurrence. Bon, c'est un peu trompé parce que maintenant, il y a 60 escape games à Paris et ils vivent à peu près tous bien. Et donc, du coup, on a décidé après d'aller en province pour essayer d'ouvrir un escape game du coup. Alors justement, tu viens de parler de quelque chose d'intéressant. Tu viens de parler d'immersion. C'est important ça, l'immersion dans une escape ? Alors, c'est, je pense, quasiment le critère numéro 1. parce que ça commence comme ça, c'est-à-dire que si l'illusion n'est pas réussie, on ne rentre pas dans le jeu. Et c'est les 5 premières minutes justement qui vont déterminer si on a cru au jeu qu'on a proposé. Donc si je te dis, bah, on va jouer par exemple, je ne sais pas moi, enfermé dans le port de la Lune, et que je te dis que tu vas aller dans la cale d'un bateau, si dès les 5 premières minutes tu ne t'y sens pas, bah, on a beau mettre les meilleurs jeux du monde, pendant une heure en fait tu seras consciente que tu es dans un jeu et pas justement que tu es en train de vivre une aventure. Et comment ça s'écrit une escape room? Comment est-ce qu'on conçoit toutes ces énigmes? Comment est-ce qu'on fait les décors? Comment est-ce qu'on la conçoit cette escape? Alors on part, je pense que ça doit un peu correspondre à l'écriture d'un film, c'est-à-dire qu'on part à mon avis de la scène finale ou du dénouement, et on se dit bah, qu'est-ce qu'un joueur, ou justement pas un joueur mais une vraie personne, ferait dans la vraie vie pour atteindre ce dénouement. Donc par exemple, si on prend l'exemple du casse de Saint-Émilion, c'est le vol d'une bouteille. Donc les joueurs sont des cambrioleurs, ok, l'objectif final c'est voler la bouteille, mais qu'est-ce qu'on aurait à faire dans un vrai château pour accéder à une salle où serait cachée une bouteille? Et donc toutes les actions qu'on ferait dans la vraie vie, par exemple au début bah, couper le compteur d'électricité pour être dans le noir pour pas se faire repérer, bah, ça il faut vraiment qu'on le décline en un jeu. Voilà, donc c'est essayer de partir des actions réelles qu'on ferait dans la vraie vie, dans cette situation donnée, et essayer de voir si on peut pas en créer un jeu. Le premier Escape Hunt, vous l'ouvrez en 2015. Ouais. Vous êtes les premiers à ouvrir des escape games à Bordeaux ? On est les deuxièmes. Le premier établissement, c'était le Casse-Tête Bordelais. Ça a été ouvert par deux filles qu'on connaît très bien. Mais ça a été à l'espace de 2-3 mois d'intervalle. Et depuis 2015, depuis cette première ouverture pour vous, qu'est-ce qui a changé dans le monde de l'escape ? Alors, une grosse dominante, c'est la concurrence. On a fait quasiment 2 ans, voire 3 années à moins de 5 escape games sur Bordeaux. On va dire même sur la cube. Et aujourd'hui, on est quasiment une vingtaine. Ce qui donne, alors ce qui est très chouette du coup pour les joueurs, parce qu'ils n'ont jamais eu autant de choix, parce que chaque escape a plusieurs thèmes, donc on est sur peut-être 70 propositions de jeux uniques. Donc ça, c'est super cool pour les joueurs. Par contre, c'est vrai que du coup, le marché s'est resserré. Et avant, par exemple, un samedi, je pense que tous les escapes de Bordeaux, il y a 3 ans, étaient complets. Et là, aujourd'hui, c'est pas forcément aussi complet qu'avant. Donc les gens vont du coup aussi s'orienter sur soit des thèmes qu'ils préfèrent ou non, et ou sur la réputation aussi de l'escape game en question. Et dans les énigmes, il y a eu un changement dans les énigmes, dans les scénarios, dans les décors ? Oui, alors effectivement, vu qu'au début du marché, en fait, on pouvait se contenter, entre guillemets, de faire des décors pas forcément super réalistes. On pouvait se contenter aussi de mettre beaucoup d'opérations et de jeux mécaniques, donc c'est-à-dire des cadenas, des serrures, ce genre de choses. Ça a très vite évolué en du technologique. Donc maintenant, on va être sur des puces RFID, sur des électroaimants, des choses un peu, un peu plus techniques et évoluées qui font que dans des salles, maintenant, c'est courant de trouver une machine à fumer, d'avoir des changements d'intensité de lumière, d'avoir vraiment des choses vraiment super cool à faire, un peu comme dans des FX de cinéma. Donc ça a beaucoup évolué. Du coup, le coût moyen d'une salle est passé peut-être de 5-6 000 euros au tout début à maintenant des tickets à 80 000 ou 100 000 euros pour faire une salle et la mettre sur le marché. Parce que maintenant, on ne peut plus se permettre de faire ce qu'on faisait il y a 3-4 ans, vu qu'en plus les joueurs sont éduqués, qu'ils ont maintenant 5-10 escapes dans les pattes, ils sont aussi plus exigeants. Donc il faut justement monter ce niveau d'exigence pour eux. Dans une escape, les joueurs rentrent, mais si je ne dis pas de bêtises, les joueurs ils sont jamais vraiment tout seuls dans leur escape room. Non, effectivement, et ça permet d'éviter aussi des accidents, parce qu'il y a eu, par exemple, quelque chose s'est passé en Pologne, il y a maintenant peut-être 6 mois, où il y a eu en fait un incendie, et vu qu'ils n'étaient pas surveillés, les gens, ils n'ont pas pu s'échapper. Donc voilà, ça a lieu à des choses dramatiques. Alors nous, en France, on est très contrôlés là-dessus. Donc dans chaque salle, tu as la possibilité, via des boîtiers, en fait, de sortir automatiquement de ta pièce s'il y a le moindre souci, sans l'intervention extérieure de quelqu'un. Mais de toute façon, effectivement, on surveille les gens. Donc on appelle ça le métier de game master, maître du jeu, qui a un rôle double, c'est-à-dire un rôle de surveillance et un rôle aussi de donneur d'indices et de conseils pendant la partie. Donc ça peut prendre plusieurs formes. Dans certains escapes, c'est par un écran interposé. Des fois, ça peut être par un micro qui diffuse dans l'ensemble de la salle. Un écran, un interphone, voilà, il y a plein de moyens, mais il va toujours être en contact avec les personnes qui sont dans la salle. Pour les escapes, c'est qui le public en fait ? Qui est-ce qui vient plutôt des jeunes, des personnes âgées ? Alors au tout début, le profil type c'était, on va dire, une tranche d'âge assez ciblée, 25-35 on va dire. En gros, on ciblait à fond les jeunes actifs qui cherchaient à faire autre chose que juste une sortie bar classique ou d'aller au cinéma ou au bowling et qui ont vraiment très vite accroché au concept. Et plus ça avançait dans le temps, plus on est allé chercher les familles, et aussi un jeune public, et plus aussi ça a été transgénérationnel, c'est-à-dire qu'on a eu des fois pendant Noël des équipes avec le grand-père, le père et le fils. Donc ça, c'était super chouette aussi de voir que ça pouvait vraiment toucher tout le monde. Mais le cœur de cible au début, ça a été les jeunes actifs. Au début, ça veut dire que maintenant, c'est plus tout à fait le cas ? Alors, ils sont toujours là, mais du coup, ils sont bien moins représentés par rapport à la somme globale des types de profils qu'on a. Maintenant, on touche, on va faire du 7 ans à 77 ans. Maintenant, il n'y a plus vraiment de profil type. Alors, il y a juste quelque chose qu'on observe, c'est quand même qu'on a, avec les stats qu'on a depuis maintenant 4 ans, c'est quand même un peu plus quelque chose qui intéresse les filles que les mecs. Ça, c'est une tendance de fond qu'on a. On a plus souvent de femmes que d'hommes. C'est marrant parce que justement, on parlait de jeux vidéo, on parlait ça souvent, l'image d'un passe-temps un peu geek, donc un peu masculin. Oui et non, parce qu'au final, il y a pas mal de gens qui, au niveau des mecs, on le voit ça, c'est aux périodes, tu sais, entre mars et juin, où t'as beaucoup d'enterrements de vie de garçon et de vie de jeune fille. Et en fait, les enterrements de vie de garçon vont se faire essentiellement sur des jeux, pas de bourrin, mais presque, où on va chercher de l'action, de l'adrénaline. Alors, non pas que l'escape game n'en procure pas, mais l'escape game a souvent eu l'image de quelque chose au tout début où il fallait réfléchir. Et donc du coup, ça, c'est quelque chose qui parlait plus, entre guillemets, aux femmes qu'aux mecs. Maintenant que c'est orienté vachement plus ludique, on revient aussi à des mecs qui se disent « Ah bah tiens, on pourrait faire ça aussi, envisager ça sur un événement type un enterrement de vie de garçon. » Mais l'image de l'escape game au tout début, c'était vraiment le truc « Ah ouais, ça va être quelque chose où il faut réfléchir. » Or là, le marché va pas du tout dans cette direction. Le marché va dans « On fait vivre une expérience ». Il ne faut pas trop se casser la tête non plus avec des grands récits, des calculs mentaux, des épreuves de type voilà, intellectuel, mais il faut vraiment faire ressentir quelque chose aux gens, soit leur faire peur, les faire rire, mais pas forcément les faire réfléchir beaucoup. Donc depuis tout ce temps où il y a Escape Hunt qui existe, les gens, qu'est-ce qui leur a plu le plus dans les escapes, selon toi ? Le fait de pouvoir, pendant une heure, ne pas regarder son téléphone, ne plus savoir qu'on est en fait à Bordeaux, ne plus savoir qu'on est en train de jouer un jeu, ça, je pense que c'est ça qui fait que c'est un succès immense. Le fait aussi qu'en fait, chaque escape game peut profiter du fait de sa créativité pour proposer un thème et le revisiter à sa manière, parce que des asiles psychiatriques en France, dans les escape rooms, il y en a peut-être, je sais pas, une vingtaine, une trentaine. Mais chacun va prendre une direction particulière qui fait qu'à chaque fois, on va vivre un temps unique. Donc ça, c'est la promesse à chaque fois, l'escape game, de vivre une heure où on ne sait pas du tout en fait, ce qui va nous arriver. Donc, c'est un peu comme quand on va voir un film, on ne connaît pas la fin. Et là, c'est pareil, à chaque fois, on va voir un nouveau film. Et entre créateurs et créatrices d'escape, vous discutez parfois un petit peu entre vous. Il y a des grands colloques de propriétaires d'escape pour définir des nouvelles techniques, des nouvelles énigmes. Alors déjà, nous, on est dans une franchise. Donc on a souvent la capacité d'avoir des retours avec notre franchise et nos confrères qui sont en France, notamment parce que chaque marché est un peu différent. Il y a eu un gros colloque, mais c'est notre franchise France qui a participé, où justement il y avait un énorme colloque sur la présentation de toutes les techniques et tous les différents jeux ou toutes les applications qu'on pourrait mettre dans des escape rooms. Donc par exemple des solutions de réalité augmentée, de réalité virtuelle, etc. Nous, après, la veille, elle se fait essentiellement en fait en allant jouer chez les collègues. Donc c'est pour ça que ce marché-là, en général, il y a des très bonnes relations entre confrères, puisqu'on s'invite régulièrement les uns les autres pour tester les jeux et justement avoir la garantie, pas d'aller copier, mais justement de faire à chaque fois si possible différent de ce qu'a fait l'autre. Donc c'est ça qui garantit aussi que sur un marché par exemple comme Bordeaux, il n'y a pas une seule room qui se ressemble, même à 10% de la room, il y a vraiment à chaque fois que des choses différentes. Alors tu parlais que dans le colloque on avait pu parler des spécificités du marché en France. Est-ce que dans ta franchise, tu as des retours sur les spécificités d'autres pays ? Il y a des différences ? Alors oui, il y a des différences, par exemple sur le côté américain, où là, on va être sur une expérience déjà où les gens vont pouvoir se mélanger à d'autres, ce qui n'est pas le cas sur le marché français. Donc sur le marché français, si toi, tu viens avec trois autres amis, vous allez être tous les quatre dans une salle et la salle sera privatisée pour vous. Vous allez vivre l'expérience qu'entre vous. Aux États-Unis, ils peuvent remplir des salles peut-être de 6, 10, 20 personnes. Et en fait, vous allez être mélangé avec d'autres gens qui ont réservé ce même créneau. Donc déjà, la mentalité n'est pas la même. C'est-à-dire qu'on estime que vous allez pouvoir partager ce moment-là avec des inconnus. Ce qui, chez eux, marche très bien. Chez nous, moins. Et eux, ils vont le voir vraiment comme un... On va dire, c'est pour eux, c'est un centre, ouais, c'est de la, on va dire quelque chose à la Disney, c'est-à-dire qu'il va y avoir vraiment quasiment aucun puzzle à résoudre, donc aucune action à résoudre, mais plus on va leur faire vivre un voyage un peu comme le manoir hanté de Paris, quoi. C'est-à-dire un parcours. Ils vont plutôt vivre ça comme des parcours, comme chez nous, une résolution d'énigmes successives pour atteindre un objectif. En Russie, c'est encore aussi autre chose, puisque eux, ils ont un système de jeu qu'ils appellent performance. Et c'est un mix entre de l'aventure et un escape game. C'est-à-dire qu'on va vous demander des épreuves physiques. Donc on va se rapprocher vraiment plus du côté Fort Boyard, avec vraiment des épreuves physiques à réaliser pendant la partie. Chez nous, aucun escape game n'a vraiment de conditions physiques. C'est-à-dire qu'une femme enceinte ou un enfant de 6 ans peut jouer quasiment n'importe quel escape game. Voilà les grosses différences qu'il peut y avoir, par exemple, sur deux marchés différents. Alors, pour revenir à l'escape transmédia, l'escape, si on grossit le trait, a commencé comme jeu vidéo, finalement en point and click, est arrivé dans la vraie vie en tant qu'escape, et repart d'une certaine façon du côté du jeu vidéo, parce que vous avez aussi ouvert Virtual Room. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est Virtual Room ? Alors, Virtual Room, c'est un mix entre donc, un film, une expérience en VR et un escape game. Donc, l'idée, c'est de faire jouer 2 à 4 personnes en même temps dans la même aventure de réalité virtuelle, où chacun va être équipé d'un casque de VR et de manette, et l'objectif va être de progresser dans une aventure ensemble, mais c'est une aventure collaborative. Pourquoi un mélange de film, qu'est-ce qui est un petit peu film, qu'est-ce qui est un petit peu... Alors, ce qui est film, c'est qu'on va s'affranchir de toutes les problématiques qu'on a en réel sur de l'escape game, c'est-à-dire que bon, pour faire ressembler une salle à un intérieur de bateau, bah, c'est un coût, et qu'on ne peut pas le changer tous les mois, parce que vu l'investissement de départ qu'il y a, c'est une structure et un thème qu'on va laisser un certain nombre de temps, voire d'années. Ce qui nous a plu dans la VR, c'est qu'on peut transporter les gens n'importe où, et à n'importe quelle époque. Donc sur nos jeux à Virtual Room, on a nos deux premiers jeux, c'est des voyages dans le temps. Donc on trouve ça génial de pouvoir réellement envoyer les gens à la période préhistorique, au temps des pharaons, et avec un réalisme qui est vraiment top, parce que là, du coup, on va pouvoir tout prévoir sans limite de budget. Seulement la limite du temps de nos développeurs, mais ça c'est un autre débat, mais on peut vraiment les amener partout. On a sorti là dernièrement un nouveau jeu qui s'appelle Are We Dead? Et on a pris un petit contre-pied justement de la pop culture, c'est que d'habitude quand on parle de zombies, dans tous les films que tu peux voir, tous les jeux vidéo, bah en fait tu dégommes des zombies, et ton objectif c'est de survivre par rapport aux zombies. Et là on a pris un petit contre-pied sympa, c'est qu'on propose aux gens d'incarner les zombies, et les zombies doivent lutter pour leur survie contre les humains justement. Voilà, donc c'est le petit truc, on a essayé de faire justement un petit twist pour... essayer de changer un petit peu de direction et pas être dans le cliché même du film catastrophisme avec les zombies où il faut survivre, etc. etc. Alors comment on définit des énigmes ? Parce que tu m'as expliqué un petit peu comment est-ce qu'on définissait des énigmes dans la vraie vie. Comment on fait pour écrire des énigmes pour une Virtual Room ? Alors on va être vachement plus contraint sur Virtual Room par des capacités vraiment de développement. Donc on ne peut pas faire non plus tout et n'importe quoi, on va partir des choses qu'on peut faire via le développement applicatif du jeu et voir quelles sont les possibilités aussi du matériel avec qui on travaille, puisqu'on bosse du coup avec HTC, qui sont une marque de casque et donc du coup de matériel manette. Et donc du coup on est contraint aussi par les limites de ces contraintes physiques. Voilà, donc on ne peut pas encore tout faire avec les manettes, mais ça nous laisse quand même un champ d'action, donc de tirer à l'arc, de s'envoyer des objets. Voilà. Donc on peut faire un certain nombre de choses, mais on est toujours limité par rapport au matériel qui sort sur le marché. Et l'accueil du public pour Virtual Room, c'est comment ? Alors il est très enthousiaste, et au final on se rend compte, on avait peur de ça, mais on se rend compte qu'en fait le public un peu plus âgé préfère Virtual Room aux escape games. Et ça on est très surpris, parce qu'on avait la peur justement du côté jeux vidéo. Donc il se dit, ah ben non, moi je suis pas du tout un geek, j'ai jamais eu de console, jamais je vais pouvoir avoir un casque sur la tête et jouer à de la réalité virtuelle. Sachant qu'en plus la moitié des gens confondent réalité virtuelle, réalité augmentée, enfin ils savent pas du tout ce qu'ils vont faire. Et au final, les gens d'une génération, on va dire autour des 40-60 ans, au final sont vachement plus à l'aise avec ce concept de Virtual Room, parce qu'au bout de 5 minutes en fait ils sont à l'aise et ils s'éclatent. Alors que pour un escape game, ils ont encore plus d'a priori, et des fois la mécanique de course contre la montre a du mal à passer, et ils sont pas forcément dedans très rapidement, alors que pour la réalité virtuelle, c'est immédiat. Alors, on a Escape Hunt, Virtual Room, ouais. Mais il y a aussi Urban Quest. Il y a aussi Urban Quest, qui est le petit dernier. Urban Quest, en fait, c'est une application de jeux de pistes urbains qui nous permettent en fait, de faire une visite de la ville avec des énigmes et des défis, avec une application et un smartphone qu'on va donner à des équipes qui vont pouvoir, justement, sur un format à peu près d'une heure, visiter la ville autrement. Et il va y avoir quoi à peu près comme interaction, parce qu'on ne peut pas s'échapper, donc qu'est-ce que c'est ? Alors on va utiliser le téléphone pour faire donc plusieurs choses. On va pouvoir répondre à des énigmes via le téléphone, soit avec des réponses texte, des réponses vidéo, des réponses photo. On va pouvoir aussi avoir le classement, parce qu'en fait ça c'est un jeu qu'on propose un peu en format Mario Kart, c'est-à-dire qu'on va affronter d'autres équipes sur le même créneau de jeu pour essayer de voir qui c'est qui aura le plus de points, qui sera le meilleur sur cette course. Donc du coup, ça permet d'avoir quelque chose de très ludique. Mais l'objectif par rapport à l'escape game et à la réalité virtuelle, il y a aussi un objectif de connaissance du patrimoine, très légère. On ne va pas non plus se substituer à une vraie visite culturelle d'une ville avec un guide voilà, qui a l'habitude de ça. Mais c'est de montrer des éléments historiques et très emblématiques de la ville. Et même pour un Bordelais qui connaît déjà Bordeaux, c'est aussi lui montrer quelques aspects de la ville qu'il ne connaît pas, des choses un peu insolites. Et sur ces trois formats différents, qui sont l'escape pur et dur, le jeu vidéo ou l'application immersive, il y a des éléments qui se retrouvent. Par exemple, est-ce qu'on retrouve des éléments de Jack l'Éventreur, le casse de Saint-Émilion, le port de la Lune, enfin toutes ces escapes, est-ce qu'on retrouve des éléments d'énigmes, de scénarios dans Virtual Room et dans... Alors, des éléments directs liés à l'histoire, pas forcément. Par contre, dans les mécaniques de jeu, il est possible effectivement que l'inspiration de nos développeurs de Virtual Room, elle vient aussi de tout le passif qu'on a eu sur l'escape game. Donc il y a des logiques de jeu qui sont inspirées très fortement de ce qu'on a pu trouver dans nos salles pour Virtual Room. Après, sur Urban Quest, ça va être des choses très différentes parce qu'on est limité juste par aussi une application et on n'a pas tous les objets, tous les éléments de décor qu'il y a autour, on est contraint par l'environnement ville. Donc ça va être vraiment Urban Quest, je le classerais vraiment à part par rapport aux deux autres. Les sources d'inspiration sont limitées vers Urban Quest. Et pour l'avenir, l'avenir des escapes, tu le vois comment, toi ? Alors déjà, malheureusement, il va y avoir, je pense, des fermetures. Enfin, ça a déjà commencé. Le marché, il a atteint sa maturité l'année dernière. Et là, aujourd'hui, on est à très peu d'ouvertures et maintenant même une tendance à quelques fermetures. Parce qu'en fait, il y a eu beaucoup trop d'ouvertures en très peu de temps. Et le marché n'a pas pu encaisser autant d'ouvertures en si peu de temps. Et après, je pense qu'on va être amené aussi un peu à se réinventer. On parlait tout à l'heure du côté aventure aux États-Unis et du côté aussi physique en Russie. Je pense qu'on va être amené à faire des choses de plus en plus extrêmes, entre guillemets. Je te donne un exemple. Ici, dans ce bâtiment, il nous reste encore de la place pour faire une salle de jeu qu'on est en cours de préparation. Et cette salle va être orientée horreur, mais horreur très hardcore. Parce qu'en fait, maintenant, il y a tellement de propositions sur le marché qu'il faut faire des choses qui sortent complètement du marché. Donc nous, notre objectif pour la nouvelle salle, c'est limite des gens n'arrivent pas à la finir. Ce qui peut paraître contradictoire, parce qu'au début, quand on s'était lancé sur un marché, tous nos thèmes de jeu, on voulait plaire à un maximum de personnes. Donc l'idée, c'était plutôt de faire du Disney, c'est que tout le monde puisse adorer, aimer, qu'on soit jeune, vieux ou jeune actif. Là, maintenant, tous les nouveaux thèmes qu'on fera, ce sera des thèmes qui cibleront une partie très spécifique de la population pour émerger par rapport à toute la proposition qu'on a, par exemple sur Bordeaux, puisqu'il y a énormément de propositions. Et pour vous en particulier, alors même s'il y a plein de projets déjà en cours, est-ce qu'il y a de nouveaux projets à venir ? Alors, les nouveaux projets vont plutôt concerner Urban Quest, puisqu'on est présent Urban Quest à Bordeaux, Saint-Émilion dans un premier temps, et maintenant on a déjà 10 autres villes sur lesquelles on est présent, et l'idée c'est d'être présent partout en France et même peut-être un jour partout en Europe. Donc c'est surtout sur Urban Quest qu'on va mettre le focus. Après, sur Escape Hunt, il y aura toujours ce côté intéressant, parce qu'il faudra toujours renouveler un peu nos thèmes. Donc il y aura toujours de la création de nouvelles énigmes. Et pour Virtual Room, c'est notre studio à Paris qui crée les jeux. Donc là-dessus, ils ont un objectif de faire un nouveau jeu tous les 12-18 mois à peu près. Voilà. C'était Escape-toi si tu peux, le troisième épisode du podcast. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker sur toutes les plateformes de podcast et à nous contacter sur les réseaux sociaux de Revue Far West. Le podcast est un podcast du CATS, le cluster aquitain du Transmédia Storytelling, produit par le média local Revue Far West. Ce programme est réalisé avec le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole.